crack, c'est l'abattoir, je crains qu'il n'y ait pas de règle. Bah ouais, enfoiré, fais l'effort. Le petit fils est fort, mais multiplie ses forces. Unifié dans cet effort en projet. Des yeux clignent d'un genre médusé, des inclinants. Mais tu saignes, tu t'inclines pas genre, mais tu sais. Tu croyais m'atteindre, vas-y, victime, critique matin. T'en vis qu'une fois cette vie, comprends que je te vide comme une balle, crâne. Stresse pas, j'ai pas fini. Laisse pas, c'est pas fini, laisse-moi te laisse pas. Qu'est-ce qui se passe? Obsolète, scratch, et kick passe. Les jars, les halles, l'obsolète, j'gratte. Les petites frappes, on s'en mettra à l'aise. Sorry, c'est gratte fort, j'fais du sport sur chaque placement. Rendre sa place, sponsorise le snowboard, n'a pas de classement. Prendre sa place n'a pas de sens, c'est odieux. Faut scaper le monde, t'esquinter le podium, we told ya. Violent, troublant, nos mines portent le vice, sortent la vie. J'pense au vide car le crime reste glauque, l'ami. Du vent de la pluie suffit pour que le glauque s'abîme. Choquant, ma kick reste authentique. Autant dire que le message passera dans de l'argot éloquent. Le temps de fuir, triangle d'oublie même au vent. Mes pères s'agitent, j'gratte des dents crispées comme une détente, j'casse des crans. J'me lasse des crans, pas les couilles, j'crois de voir se les faire. Toi, j'me bourre aux grandes. Bah ouais, ma petite mafia au double de vigilance. Six styles qui trempent, six styles, mes rimes dans des oreilles qui tremblent. Au plus, voilà les cordes qui trachent, rien ne change. J'vois que des langues qui crachent, des hommes qui tranchent. Autant d'hommes quoi, que de femmes qui lâchent. Tente de rester sage, mais à votre putain de fût, mes idées se fâchent, rescore. J'ai vu ça assez mal. Mon cassage de cervical comme seul dommage collatéral. Le plus sauvage et hal, c'est automatique. Mais t'es fantomatique comme un démontagie jusqu'à l'hémorragie. Trop dans les assez sales. Et c'est assez simple et évident. Méthode à l'ancienne, une bague à chaque doigt. Me parle pas si t'es hésitant. Underground, résidence en passe droit. Tu fais pas le poids. Tu te fais shooter par le bras droit du président. Trois frères de frappe autour d'un verre de pierre. Pour un jour de grève, une paire de claques dans une bonne paire de fesses. C'est le retour de l'Est. Mon PKS te blesse. Protège ton huc si je te balade au bout d'une bien trop courte laisse. On t'entoure de l'Est. Du coup, le procédure, y'a pas d'imposteur. On frappe à fortune. Trop de fils dans nos procédures. Je squatte les zones d'ombre, même sous les projecteurs. Du coup, je convoque l'équipe au plus pour un projet sûr.